Suisse, votation fédérale sur la loi COVID-19, manipulation du Conseil fédéral avec les mesures d'aide financière. Le 13 juin 2021, le peuple suisse se prononcera sur la loi COVID-19 en vigueur depuis septembre 2020. Cette loi fait office de prolongation des arrêtés d'urgence pris par le Conseil fédéral en mars 2020. Pirmin Schwander, conseiller national UDC et critique de la politique COVID du Conseil fédéral, affirme que la loi COVID-19 a subi beaucoup de modifications depuis son entrée en vigueur. Selon M. Schwander, elle a au début essentiellement réglementé les mesures politiques sanitaires visant à contenir la propagation du coronavirus. Mais manifestement, elle s'est transformée en un décret de politique économique qui prévoit de nombreuses mesures de soutien au profit des industries concernées. Le 12 avril 2021, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, et le ministre de la Santé, Alain Berset, ont souligné que cette loi COVID-19 constituerait la base du programme d'aide économique de l'État qui se chiffre en milliards. En cas de vote négatif lors du référendum, ils ont dessiné un scénario catastrophique. Selon le Conseil fédéral, il en résulterait une aggravation de la crise économique avec une augmentation des cas d'aide sociale. Avec cette argumentation du Conseil fédéral, on manipule l'électorat suisse en lui faisant croire que s'il votait non à la loi COVID-19, ce serait de sa faute si plus aucune aide financière d'urgence n'était versée. Or, les opposants à la loi COVID-19 estiment également que ces subventions sont utiles et nécessaires et qu'elles doivent en tous les cas être maintenues. Mais ils affirment que ce lien entre les aides financières et les mesures de la politique sanitaire constitue une violation du principe juridique d'unité de la matière, car l'électorat suisse ne peut pas voter séparément sur ces deux questions bien distinctes. C'est donc anticonstitutionnel et cela équivaut à un chantage politique. C'est pourquoi le comité régional non à la COVID-19 de la Suisse centrale soutient la motion du conseiller national Pirmin Schwander et de 23 autres parlementaires qui demandent le transfert des indemnités prévues par la loi COVID-19 dans une loi distincte sur les aides financières COVID-19. Le rejet de la loi COVID-19 ouvrirait la voie à cette solution et elle pourrait être mise en œuvre dès la session parlementaire d'été. Pour contribuer à faire aboutir cette motion importante, le 13 juin 2021, un non retentissant à la loi COVID-19 est primordial. 19